Chapitre 45e, scène conjugale. Comme l'avait prévu Athos, le cardinal ne tarda point à descendre. Il ouvrit la porte de la chambre où étaient rentrés les mousquetaires et trouva Porthos faisant une partie de dés acharnée avec Aramis. D'un coup d'œil rapide, il fouilla tous les coins de la salle et vit qu'un de ses hommes lui manquait. « Qu'est devenu monsieur Athos ? » demanda-t-il. « Monseigneur, répondit Porthos, il est parti en éclaireur sur quelques propos de notre hôte, qui lui ont fait croire que la route n'était pas sûre. « Et vous, qu'avez-vous fait, monsieur Porthos ?»« J'ai gagné 5 pistoles à Aramis. »« Et maintenant, vous pouvez revenir avec moi ?»« Nous sommes aux ordres de votre éminence. »« À cheval donc, messieurs, car il se fait tard. » L'écuyer était à la porte et tenait en bride le cheval du cardinal. Un peu plus loin, un groupe de 2 hommes et de 3 chevaux apparaissait dans l'ombre. Ces 2 hommes étaient ceux qui devaient conduire Milady au fort de la pointe et veiller à son embarquement. L'écuyer confirma au cardinal ce que les 2 mousquetaires lui avaient déjà dit à propos d'Athos. Le cardinal fit un geste approbateur et reprit la route, s'entourant au retour des mêmes précautions qu'il avait prises au départ. Laissons-le suivre le chemin du camp, protégé par l'écuyer et les 2 mousquetaires, et revenons à Athos. Pendant 100 pas, il avait marché de la même allure, mais une fois hors de vue, il avait lancé son cheval à droite, avait fait un détour, et était revenu guetter dans le taillis le passage de la petite troupe. Puis, ayant reconnu les chapeaux bordés de ses compagnons et la frange dorée du manteau de monsieur le cardinal, il attendit que les cavaliers eussent tourné l'angle de la route, les ayant perdus de vue, il revint au galop à l'auberge, qu'on lui ouvrit sans difficulté. L'hôte le reconnut. « Mon officier, dit Athos, a oublié de faire à la dame du premier une recommandation importante et il m'envoie pour réparer cet oubli. Montez, dit l'hôte, elle est encore dans sa chambre. » Athos profita de la permission, monta l'escalier de son pas le plus léger, arriva sur le carré et à travers la porte entr'ouverte, il vit Milady qui attachait son chapeau. Il entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Athos était debout devant la porte, enveloppé dans son manteau, son feutre rabattu sur ses yeux. En voyant cette figure muette et immobile comme une statue, Milady eut peur. « Qui êtes-vous et que demandez-vous » s'écria-t-elle. « Allons, c'est bien elle, » murmura Athos. Et laissant tomber son manteau et relevant son feutre, il s'avança vers Milady. « Me reconnaissez-vous, madame ?» Milady fit un pas en avant, puis recula comme à la vue d'un serpent. « Allons, » dit Athos, « c'est bien, je vois que vous me reconnaissez. » « Le comte de l'affaire !» murmura Milady en pâlissant, et en reculant jusqu'à ce que la muraille l'empêcha d'aller plus loin. « Oui, Milady, répondit Athos, le comte de l'affaire en personne, qui revient tout exprès de l'autre monde pour avoir le plaisir de vous voir. Asseyons-nous donc et causons, comme dit monsieur le cardinal. » Milady, dominée par une terreur inexprimable, s'assit sans proférer une seule parole. « Vous êtes donc un démon envoyé sur la terre, » dit Athos. « Votre puissance est grande, je le sais. » Mais vous savez aussi qu'avec l'aide de Dieu, les hommes ont souvent vaincu les démons les plus terribles. Vous vous êtes déjà trouvé sur mon chemin. Je croyais vous avoir terrassé, madame. Mais où je me trompais, où l'enfer vous a ressuscité. » Milady, à ces paroles qui lui rappelaient des souvenirs effroyables, baissa la tête avec un gémissement sourd. « Oui, l'enfer vous a ressuscité, » reprit Athos. « L'enfer vous a fait riche. L'enfer vous a donné un autre nom. L'enfer vous a presque refait même un autre visage. Mais il n'a effacé ni les souillures de votre âme, ni la flétrissure de votre corps. » Milady se leva comme mue par un ressort, et ses yeux lancèrent des éclairs. Athos resta assis. « Vous me croyez mort, n'est-ce pas ? Comme je vous croyais morte. Et ce nom d'Athos avait caché le comte de l'affaire, comme le nom de Milady de Winter avait caché Anne de Breuil. N'était-ce pas ainsi que vous vous appeliez quand votre honoré frère nous a mariés ? Notre position est vraiment étrange, poursuivit Athos en riant. Nous n'avons vécu jusqu'à présent l'un et l'autre que parce que nous nous croyions morts, et qu'un souvenir gêne moins qu'une créature, quoique ce soit chose dévorante parfois qu'un souvenir. Mais enfin, dit Milady d'une voix sourde, qui vous ramène vers moi et que me voulez-vous? Je veux vous dire que tout en restant invisible à vos yeux, je ne vous ai pas perdu de vue, moi. Vous savez ce que j'ai fait? Je puis vous raconter jour par jour vos actions, depuis votre entrée au service du cardinal jusqu'à ce soir. Un sourire d'incrédulité passa sur les lèvres pâles de Milady. Écoutez, c'est vous qui avez coupé les 2 ferrets de diamants sur l'épaule du duc de Buckingham. C'est vous qui avez fait enlever Madame Bonacieux. C'est vous qui, amoureuse de De Bardes, et croyant le recevoir, avez ouvert votre porte à D'Artagnan. C'est vous qui, croyant que De Bardes vous avait trompé, avez voulu le faire tuer par son rival. C'est vous qui, lorsque ce rival eut découvert votre infâme secret, avez voulu le faire tuer à son tour par deux meurtriers que vous avez envoyés à sa poursuite. C'est vous qui, voyant que les balles avaient manqué leur coup, avez envoyé du vin empoisonné avec une fausse lettre, pour faire croire à votre victime que ce vin venait de ses amis. C'est vous enfin qui venez là, dans cette chambre, assise sur cette chaise où je suis, de prendre avec le cardinal de Richelieu l'engagement de faire assassiner le duc de Buckingham, en échange de la promesse qu'il vous a faite de vous laisser assassiner D'Artagnan. » Milady était livide. « Mais vous êtes donc Satan ? » dit-elle. « Peut-être, » dit Athos. « Mais en tout cas, écoutez bien ceci. » Assassiner ou au fait assassiner le duc de Buckingham, peu m'importe, je ne le connais pas. C'est l'ennemi de la France. Mais ne touchez pas à un seul cheveu de D'Artagnan, qui est un fidèle ami que j'aime et que je défends. Ou, je vous le jure par la tête de mon père, le crime que vous aurez essayé de commettre ou que vous aurez commis sera le dernier. Monsieur D'Artagnan m'a cruellement offensé, dit Milady d'une voix sourde. Monsieur D'Artagnan mourra. En vérité, cela est-il possible qu'on vous offense, madame ? Dit en riant Athos. Il vous a offensé et il mourra. Il mourra, reprit Milady. Elle d'abord, lui ensuite. Athos fut saisi comme d'un vertige. La vue de cette créature qui n'avait rien d'une femme lui rappelait des souvenirs terribles. Il pensa qu'un jour, dans une situation moins dangereuse que celle où il se trouvait, il avait déjà voulu la sacrifier à son honneur. Son désir de meurtre lui revint brûlant et l'envahit comme une fièvre ardente. Il se leva à son tour, porta la main à sa ceinture, en tira un pistolet et l'arma. Milady, pâle comme un cadavre, voulut crier, mais sa langue glacée ne put proférer qu'un son rauque, qui n'avait rien de la parole humaine et qui semblait le râle d'une bête fauve. Collée contre la sombre tapisserie, elle apparaissait les cheveux épars comme l'image effrayante de la terreur. Athos leva lentement son pistolet, étendit le bras, de manière à ce que l'arme touchât presque le front de Milady. Puis, d'une voix d'autant plus terrible qu'elle avait le calme suprême d'une inflexible résolution, « Madame, vous allez à l'instant même me remettre le papier que vous a signé le cardinal ou, sur mon âme, je vous fais sauter la cervelle. » Avec un autre homme, Milady aurait pu conserver quelques doutes, mais elle connaissait Athos. Cependant, elle resta immobile. « Vous avez une seconde pour vous décider, » dit-il. Milady vit à la contraction de son visage que le coup allait partir. Elle porta vivement la main à sa poitrine, en tira un papier et le tendit à Athos. « Tenez, » dit-elle, « et soyez maudits !» Athos prit le papier, repassa le pistolet à sa ceinture, s'approcha de la lampe pour s'assurer que c'était bien celui-là, le déplia et lut. « C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. » 3 décembre 1627, Richelieu. « Et maintenant, » dit Athos en reprenant son manteau, et en replaçant son feutre sur sa tête, « Maintenant que je t'ai arraché les dents, mort si tu peux, vipère !» Et il sortit de la chambre sans même regarder en arrière. À la porte de l'auberge, il trouva les deux hommes et le cheval qu'il tenait en main. « Messieurs, dit-il, l'ordre de Monseigneur, vous le savez, est de conduire cette femme, sans perdre de temps, au fort de la pointe, et de ne la quitter que lorsqu'elle sera à bord. » Comme ces paroles s'accordaient effectivement avec l'ordre qu'ils avaient reçu, ils inclinèrent la tête en signe d'assentiment. Quant à Athos, il se mit légèrement en selle et partit au galop. Seulement, au lieu de suivre la route, il prit à travers champs, piquant avec vigueur son cheval et de temps en temps s'arrêtant pour écouter. Dans une de ces haltes, il entendit sur la route le pas de plusieurs chevaux. Il ne douta point que ce ne fût le cardinal et son escorte. Aussitôt, il fit une nouvelle pointe en avant, bouchonna son cheval avec de la bruyère et des feuilles d'arbres, et vint se mettre en travers de la route à 200 pas du camp à peu près. « Qui vive ? » cria-t-il de loin quand il aperçut les cavaliers. « C'est notre brave mousquetaire, je crois, » dit le cardinal. « Oui, monseigneur, » répondit Athos, « c'est lui-même. »« Monsieur Athos, » dit Richelieu, « recevez tous mes remerciements pour la bonne garde que vous nous avez faite. Messieurs, nous voici arrivés. Prenez la porte à gauche. Le mot d'ordre est « roi et ré ». En disant ces mots, le cardinal salua de la tête les trois amis et prit à droite, suivi de son écuyer, car cette nuit-là, lui-même couchait au camp. « Eh bien, » dirent ensemble Porthos et Aramis, lorsque le cardinal fut hors de portée de la voix. « Eh bien, » il a signé le papier qu'elle demandait. Je le sais, dit tranquillement Athos, puisque le voici. Et les trois amis n'échangèrent plus une seule parole jusqu'à leur quartier, excepté pour donner le mot d'ordre aux sentinelles. Seulement, on envoya Mousqueton dire à Planchet que son maître était prié, en relevant de tranchée, de se rendre à l'instant même au logis des mousquetaires. De notre côté, comme l'avait prévu Athos, Milady, en retrouvant à la porte les hommes qui l'attendaient, ne fit aucune difficulté de les suivre. Elle avait bien eu l'envie un instant de se faire reconduire devant le cardinal et de lui tout raconter, mais une révélation de sa part amenait une révélation de la part d'Athos. Elle dirait bien qu'Athos l'avait pendue, mais Athos dirait qu'elle était marquée. Elle pensa qu'il valait donc encore mieux garder le silence, partir discrètement, accomplir avec son habileté ordinaire la mission difficile dont elle s'était chargée, puis, toute chose accomplie à la satisfaction du cardinal, venir lui réclamer sa vengeance. En conséquence, après avoir voyagé toute la nuit, à 7 heures du matin, elle était au fort de la Pointe. À 8 heures, elle était embarquée, et à 9 heures, le bâtiment, qui, avec des lettres de marque du cardinal, était censé être en partance pour Bayonne, levait l'ancre et faisait voile pour l'Angleterre.